Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de méditation semi-guidée. Si tu as raté la première vidéo, eh bien reprends la dernière méditation de 15 minutes, qui était une méditation de laisser-aller. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le corps et sur ses sensations. Tu vas entendre ma voix pendant quelques minutes et ensuite je te laisserai méditer tout seul. Puis je t'indiquerai la fin de la méditation. Pour commencer, éteins ton téléphone portable et assure-toi que la batterie de ton ordinateur ne va pas s'arrêter avant la fin. Règle bien le volume du son de manière à ce que ma voix ne te dérange pas et que tu n'aies aucun effort à faire pour m'entendre. Ne fais pas face à ton écran d'ordinateur, éloigne-toi de lui pour aller dans un endroit calme où tu pourras méditer sans être tenté de le regarder. Commence par t'asseoir dans une position confortable. Tu peux t'asseoir normalement sur une chaise ou assis en tailleur. Si tu sais le faire, tu peux te mettre en position de lotus ou de semi-lotus avec les jambes superposées l'une sur l'autre. Mais ce n'est pas obligatoire. Si tu as ressenti des difficultés lors de la dernière méditation, choisis plutôt une position qui sera confortable. Il s'agit aujourd'hui d'exercer son mental et non sa souplesse. Garde le dos droit de manière à pouvoir maintenir cette position que tu as actuellement en restant immobile pendant toute la méditation. Tu peux maintenir bien droit le bas de ton dos grâce à tes abdominaux pendant toute la méditation. Tu peux aussi rentrer légèrement ton ventre pour maintenir cette position droite. Relâche tes épaules et garde-les légèrement vers l'avant. Rentre légèrement le menton à l'intérieur du cou. Ramène tes mains sur tes genoux, les paumes tournées vers le sol. Assure-toi d'être équilibré, de ne pencher ni trop à gauche ni trop à droite. Ferme lentement les yeux maintenant. Inspire profondément par le nez, puis expire. Lors de cette méditation, nous allons toujours maintenir cette position. N'essaye pas de faire le vide ou d'évacuer le stress ou de bloquer les pensées. Pour cette deuxième méditation, nous allons simplement nous concentrer sur le corps. Si tu as des pensées différentes qui te traversent l'esprit, ne les bloque pas et ne les juge pas. Contente-toi de les observer. Rappelle-toi que quand tu es dans cette position, ta méditation est déjà parfaite. Commence par te concentrer sur le point le plus haut de ta tête. Porte toute ton attention sur le sommet de ton crâne. Que ressens-tu à cet endroit-là? Est-ce que c'est chaud, froid? Est-ce qu'il y a un courant d'air? Est-ce que tu ressens le contact entre le sommet de ton crâne et l'air au-dessus? Est-ce que tu ressens le contact entre le sommet de ton crâne et l'activité de ton cerveau en dessous? Concentre-toi maintenant sur ton front. Essaye de ressentir ce que ressent ton front sur l'ensemble de sa surface. Tu peux explorer différents points pour bien ressentir. Porte ensuite ton attention sur le point qui se situe exactement entre tes deux sourcils. Que ressens-tu à cet endroit? Ressens-tu le contact entre ce point de ta peau et l'air extérieur? Ressens-tu le contact entre ce point et ton ossature qui est derrière ta peau? Porte ensuite l'attention sur tes sourcils. Ressens-les se relâcher et se détendre quand tu te concentres sur eux. Commence par le sourcil droit. Puis le gauche. Porte maintenant ton attention sur ta paupière droite. Garde-la fermée sans exercer de force. Ressens-la tomber, se relâcher encore. Recommence avec ta paupière gauche. Ressens-la se relâcher. Porte toute ton attention sur elle. Porte maintenant ton attention sur ton nez. Ressens l'air qui rentre à l'intérieur. et qui ressort. Mets ton attention maintenant sur ta joue droite. Laisse-la se relâcher et ressens ce qu'elle ressent. Mets maintenant ton attention sur ta joue gauche. Porte maintenant ton attention sur ta lèvre supérieure. Puis sur ta lèvre inférieure. Concentre-toi maintenant sur ta mâchoire et sens qu'elle se relâche. Descends maintenant lentement le centre de ton attention, de ta mâchoire vers ton cou. Imagine que tout ton esprit descend et se déplace de ta tête vers le bas de ton corps. Imagine que tout ton esprit se situe derrière ton cou. Imagine que tout ton esprit se situe derrière ton cou. Concentre maintenant ton attention sur ton épaule droite. Laisse-la se relâcher. Déplace ton attention lentement vers ton épaule gauche en passant par le cou. Relâche ton épaule gauche. Laisse descendre le point de ton attention, de ton épaule à ton bras gauche. Ressens tes muscles se relâcher. Redescends encore dans l'avant-bras gauche. Descends ton attention sur ta main. Ressens le contact de ta jambe sur la paume gauche. Ressens le contact de ta main avec l'air. Concentre-toi maintenant sur tes doigts, sur chacun d'entre eux. Observe-les se relâcher tandis que tu portes ton attention sur eux. Remonte lentement ton attention le long de ton bras gauche, de la main à l'avant-bras et de l'avant-bras aux épaules. Des épaules au cou et du cou à l'épaule droite. Relâche ton bras droit, redescends ton attention vers le bras puis l'avant-bras. Porte alors ton attention sur ta main droite puis sur tes doigts. Ressens bien le contact avec ta jambe droite et avec l'air extérieur. Tu vas porter ton attention de plus en plus sur le contact entre ta main droite et ta jambe droite. Ressens bien la surface de contact entre les deux. Et porte maintenant ton attention sur ta jambe droite. Garde ton attention sur ta cuisse. Et fais-la remonter vers le bassin. Remonte pour porter ton attention sur ton ventre et ressens la respiration. Ressens ton ventre qui se gonfle puis se vide quand tu respires. Porte maintenant ton attention sur ton torse. Puis essaye de ressentir ton cœur battre. Si tu ne le ressens pas, ce n'est pas grave. Redescends ton attention vers ton bassin en passant par les côtes. Puis descends ton attention vers ta jambe gauche, sur la cuisse d'abord. Ressens qu'elle se relâche. Puis descends ton attention sur ton genou en passant par le contact entre ta main et ta jambe. Porte ensuite ton attention sur ton tibia gauche. Ressens le contact entre tes deux jambes. Imagine qu'elles ne font qu'un. Porte maintenant ton attention sur ton pied gauche. Et ressens le contact avec le sol. Porte ensuite ton attention sur le pied droit et ressens le contact avec ce qui est en dessous. Ressens maintenant ton corps dans son ensemble. Essaye de ressentir tout l'air qui se situe autour de ton corps. Ressens comme chaque partie de ton corps est liée et comme ton corps forme un tout et que ces parties ne sont qu'imaginaires. Ressens le lien fluide entre chaque parcelle de ton corps. Fais circuler ton attention à travers ton corps comme tu le souhaites. Reste dans cette sensation et essaye de ressentir ton corps comme un tout. Essaye de ressentir que ton esprit peut se situer là où tu le mets dans ton corps. Aussi bien dans les jambes, dans les bras, dans les mains, dans le torse que dans la tête. Si tu le souhaites, tu peux à nouveau explorer ton corps en portant ton attention sur différents points. Je vais maintenant te laisser méditer seul sur tes sensations. Puis je t'indiquerai la fin de la méditation. Lentement ouvrir les yeux. Maintenant que tu as ouvert les yeux, tu peux ressentir à nouveau les sensations de ton corps et garder cet état méditatif durant toute la journée. Si cette méditation t'a plu, on se retrouvera demain pour une nouvelle méditation où on se concentrera sur la respiration. N'hésite pas à inviter tes amis à participer à cet événement de méditation de 15 jours. et à me faire un retour sur ce que tu as vécu pendant ces 15 minutes. Passe une très bonne journée.